plus proches de documentaires, des films travaillant sur des modes narratifs, des films travaillant sur de la fiction, des films travaillant sur du montage, sur les modes de projection, sur les modes de travaux en laboratoire, sur les modes de réalisation, de captation, de prise de vue, etc. Tout ce que le cinéma peut faire se retrouve dans le cinéma expérimental. L'une des choses que le cinéma expérimental évacue assez souvent, c'est certainement le principe narratif, qui est quand même l'élément peut-être le plus séduisant pour le spectateur de cinéma qui aime avoir une histoire, qui aime à ce qu'on lui raconte quelque chose. Donc c'est vrai que l'expérimental, évacuant un petit peu ce problème-là, en tout cas n'en faisant pas son objet principal, est une forme cinématographique qui se distingue peut-être de l'ensemble de la production généralement du cinéma. Au-delà de ça, pour moi vraiment, l'expérimental, si c'est un ensemble, c'est là où tout le cinéma peut se faire, il n'empêche pas du tout, évidemment, la création de films qui travaillent que sur des modes de fiction. Majorité des films 35 sortis en salle, qu'ils soient d'animation ou non, ça n'empêche pas les modes documentaires, ça n'empêche pas aussi d'autres formes existantes dans le cinéma. Mais pour moi, vraiment, si le cinéma expérimental a une entité, c'est qu'il est capable de faire tout ce que le cinéma peut faire. Ce qu'on voit aussi bien dans le cinéma traditionnel que d'autres formes, des expériences beaucoup plus poussées, des manières de voir comment résiste l'art du cinéma par rapport à des manipulations, des utilisations, des traitements aussi qu'on fait subir au cinéma à son mode de visibilité, à son mode de projection, à son mode de réalisation aussi. Et toutes ces choses-là se retrouvent dans le cinéma expérimental. Donc en fait, c'est plus une démarche qu'une technique, contrairement au cinéma d'animation qui est une technique, mais en fait, probablement aussi une démarche, parce qu'il y a des films où il y a de l'animation, mais on ne peut pas vraiment les qualifier de films d'animation. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que le cinéma expérimental n'est pas un genre en tant que tel. S'il y a pas, enfin, souvent dans les festivals, dans les inscriptions de films, on voit marqué fiction, documentaire, animation et expérimental en plus. Pour moi, c'est absolument pas dans ce domaine-là qu'il faut chercher l'expérimentation, le Donc pas de cinéma Festival expérimental. national du film expérimental. Pourquoi pas, mais je suis pas persuadé que ça puisse répondre légitimement à la production, entre guillemets, même si c'est justement aussi l'autre souci de l'expérimental, c'est que généralement les films qu'on peut voir en salle ou même dans le cadre du cinéma d'animation, souvent sont soutenus, produits, aidés par des institutions, des producteurs officiels, des écoles, des éléments de cet endroit-là, qui aident quand même le créateur à pouvoir faire ses films et qui s'entourent du coup d'une équipe technique, etc., etc. Dans le cadre du cinéma expérimental, l'équipe technique se résume souvent à une personne qui est un réalisateur, qui va être aussi celui qui va prendre les images, qui va sûrement peut-être aller chercher sa pellicule lui-même au comptoir Kodak ou ailleurs, qui va aussi utiliser lui-même son mode d'éclairage, qui va faire le montage, parfois développer lui-même ses images, être présent à la projection. C'est quelqu'un qui suit du début à la fin et qui réalise du début à la fin l'ensemble du film. Alors, il peut être aidé évidemment de collaborateurs de ci, de là, qui peuvent donner un coup de main pour de la lumière, composer de musique en plus à côté, etc. Mais en tout cas, l'œuvre d'un cinéaste expérimental se fait vraiment d'une manière très très personnelle, très individuelle, solitaire éventuellement, même si le côté solitaire, c'est pas on est chacun dans notre coin et on se connaît pas. Au contraire, ça crée une dynamique de gens qui font des films expérimentaux, qui vont voir les films des uns des autres, qui essayent de mettre en commun du matériel, de créer des laboratoires où on puisse accueillir des démarches de cinéastes expérimentaux qui viennent comme ça tester, essayer, chercher des modes de production d'images différents, des résultats esthétiques complètement à part, etc. Et faire des tests de tout ça, et même aussi produire au sens physique des choses un film, c'est-à-dire faire la copie du film, le faire exister, le développer, pouvoir le mettre en circulation dans des distributeurs qui sont aussi plutôt désignés pour distribuer des films expérimentaux, qui sont des associations et pas des grosses boîtes de distribution très lourdes comme ça, qui ont des partenariats dans le monde entier. Même si en France, en fait, on a quand même la chance d'avoir le plus gros distributeur européen de films expérimentaux, qui regroupe 3000 films à peu près, L'icône. qui est l'Icône, mais il y a aussi deux autres distributeurs de films expérimentaux à Paris, donc ça fait quand même une grosse possibilité de films qui sont montrables, qu'on peut programmer, mettre en avant comme ça dans des séances de cinéma essentiellement expérimentaux, ou enfin de films expérimentaux, ou même confrontés à d'autres formes de cinéma, évidemment. C'est un peu la définition d'animation, hein, en fait. C'est un Oui, peu la même. À part les longs métrages, finalement, pour on en est un petit peu là. C'est des gens, c'est pour ça aussi que les Roches et tout ça se voit, c'est des gens qui viennent avec leurs bobines. Il n'y a pas longtemps, je me rappelle à Annecy, maintenant ils sont connus, mais les gens d'Hardman venir avec leurs bobines de Wallace et Gromit pour le montrer à tout le monde et être content. C'est là, c'est vraiment un travail en équipe. La différence est Oui, peut-être là voilà. aussi. Oui, Puis, pourquoi au niveau qu'il institutionnel aussi, il y a des grandes différences. Le cinéma expérimental est un cinéma qui continue à exister sans visa d'exploitation, sans aide du CNC, sans reconnaissance nationale, sans possibilité de passer dans une salle officielle de cinéma parce que sans visa d'exploitation, il n'y a pas de dépôt légal, etc. Enfin, c'est très. Toute cette marge-là, cette espèce de manière de vouloir rester autonome et loin des circuits financiers qui empêcheraient une création autonome, c'est quelque chose qui domine vraiment dans le cadre du cinéma expérimental et qui est privilégié, enfin qui est mis en avant par les cinéastes expérimentaux. Donc, ils veulent garder cette liberté d'arriver dans le cinéma. Il y a ces stars quand même, des gens comme Bill Viola ou Michael Snow, à mon avis, ne Bill Viola fait très peu de cinéma, il fait énormément de vidéos. Oui, c'est ça, il fait finalement beaucoup de. Oui, il ne rentre pas dans le cadre du cinéma expérimental du tout. D'accord. À mon niveau, enfin, dans ces choix-là. Après, c'est qu'est-ce qu'un film expérimental réellement, comment on peut le déterminer que celui-ci l'est et l'autre ne l'est pas. C'est évidemment des choix subjectifs parce qu'encore, ce n'est pas un genre, c'est vraiment une pratique. Donc la pratique de Bill Viola, effectivement, elle va plutôt dans le sens d'institution muséale, dans le sens de commande aussi, d'exposition personnelle, etc. Le cinéma expérimental peut aussi aller vers cette voie-là, mais pas tout le temps, pas nécessairement. Le cas de Michael Snow aussi, c'est assez singulier, mais effectivement, lui aussi, ses films, il arrive à les faire parfois avec des aides éventuelles. Il y a une structure au Canada qui lui permet de pouvoir obtenir des subsides pour réussir à réaliser ses films. Certains de ses films, il les fait de manière complètement autonome, individuelle. Et puis, il essaye de trouver dans sa... Enfin, de manière personnelle, des moyens pour réaliser ces films-là. Ce sont vraiment des films de recherche. C'est aussi quelqu'un qui fait de la recherche dans le cadre de la musique, dans le cadre de la photographie. Donc c'est un artiste assez complet, assez large, qui utilise le cinéma dans une démarche plus générale de création. Et du coup, il utilise effectivement le support film. Maintenant, un petit peu la vidéo aussi, mais beaucoup de support film. Donc c'est des démarches un peu singulières, mais tous les cinéastes expérimentaux aussi ont une démarche singulière. C'est en ça que la définition est d'autant plus difficile à faire, c'est qu'il y a quasiment autant de genre de cinéma expérimental que de personnes qui font des films expérimentaux. Oui, Serge ? Non, je ne vais pas poser la question. Parce que je vois que alors, c'est tellement passionnant que l'on pourrait faire une séance entière sur cette branche. Alors, moi, une question que je me suis posée aussi, en voyant la programmation que vous avez proposée pour le Festival d'Auch, il y a un certain nombre de cinéastes donc, expérimentaux qui pratiquent de l'animation, qui sont très identifiés dans le domaine de l'animation, donc qu'on connaît, qu'on côtoie, mais il y en a d'autres, pas du tout. Des cinéastes contemporains dont on voit absolument jamais les œuvres dans le monde de l'animation. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus animation mais qui font de l'expérimental, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont plus expérimentaux qui pratiquent par hasard, on va dire, de l'animation, c'est ça, non ? Bon, je vais peut-être essayer de préciser des choses par rapport à ce que tu dis, mais j'ai l'impression que quand tu dis ceux qu'on connaît un peu dans le cadre du cinéma d'animation, c'est plutôt des historiques. Ça peut être Len Nye, Fischinger, pas seulement, parce qu'on voit beaucoup de films expérimentaux dans les festivals à Auch, à Annecy, ou dans n'importe quel festival d'animation, il y a une part quand même qui n'est pas négligeable de films expérimentaux. Et après, je pense qu'aussi, il y a une démarche particulière même des cinéastes expérimentaux qui ne courent pas après, entre guillemets, diffusion au festival. Il y a vraiment eu cette idée que ce qui peut être trop officialisant par rapport au cinéma, trop désigné comme ceci, trop justement identifiable comme des genres, beaucoup de cinéastes expérimentaux s'excluent un petit peu de cette démarche-là. Ouais. Donc, il y a peu de festivals qui accueillent réellement des films expérimentaux en tant que tels, en disant, voilà, on veut faire une programmation vraiment parce que ce cinéma-là nous intéresse. Ensuite, effectivement, comme c'est un cinéma qui touche à plusieurs disciplines ou à plusieurs genres, il peut y avoir des brèches dans certains festivals qui accueillent qui du documentaire, qui de l'animation, qui de la fiction, venant du domaine du cinéma expérimental. Ça, c'est un fait. Ensuite, par rapport à la programmation que Braquage propose dans le Festival de Auch, pour le Festival de Auch, on a aussi essayé de réfléchir à cette notion justement de relation entre le cinéma expérimental et les pratiques de l'animation. Alors on a essayé de résumer très grossièrement, et je pense qu'on peut se faire taper sur les doigts 10 fois, mais en tout cas c'est une démarche qu'on a voulu essayer de mettre en avant, de dire que l'animation c'est une forme de cinéma qui fonctionne sur de la création en image par image, que ce soit par le biais de dessins refilmés, que ce soit par des modes de pixelation d'image et des choses comme ça. À partir de là, on s'est dit ok, dans le cinéma expérimental, qui pratique ce genre de technique. Donc on a trouvé effectivement des cinéastes qui font de la pixelation. Alors, il y a McLaren, nous on n'en a pas mis au programme, parce qu'il y avait déjà le panorama autour de McLaren, mais d'autres cinéastes comme Pascal Bess qui filment par exemple des performances de danseurs et qui leur demandent en plus de rester en temps de pause longue, c'est-à-dire sans bouger le temps qu'ils fassent une image assez longue, et en même temps les danseuses doivent faire un mouvement. Donc ça crée quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il y a une sorte de fluidité saccadée par le fait que ce soit d'image par image, et cette fluidité aussi un petit peu brisée par la tension musculaire qu'implique le fait de rester pour les danseuses fixes le temps de la prise de vue. Donc c'est un film assez subtil, très très beau, assez étonnant, sur un air de tango aussi, qui est assez particulier par rapport à ces principes de pixelation et de prise de vue. Qui a été présenté d'ailleurs au Festival de Marmille. Oui, sans doute, oui. C'est en 89 qu'il a été fait, donc... Oui, c'est tout à fait possible. Et ce film-là, en tout cas, donc, il est présent dans la programmation, mais il y a aussi des films qui sont faits directement sur de la pellicule, peints directement à la main sur pellicule, gratté, etc. Parce qu'il y a aussi ce rapport au photogramme, enfin à l'image par image, dans ce type de création-là. Donc du coup, on a un petit peu ouvert la démarche de l'animation telle qu'on l'avait un peu identifiée cerner en tout cas, à cette pratique-là aussi du dessin sur pellicule. Qui est un mode assez, une technique assez répandue dans l'animation, qui en général d'ailleurs est une forme expérimentale. Oui, voilà, mais après, il y a aussi la démarche de certains cinéastes, je pense à Marcel Tirage qui sera aussi présent dans l'exposition, qui elle travaille en film, enfin elle fait des images en Super 8 et elle les repeint à la main avec des encres sur du Super 8 directement. Et c'est une démarche très particulière aussi quand même de travail de minutie, de réflexion par rapport aux motifs qu'elle a filmés. Les motifs filmés sont aussi des motifs abstraits où elle ajoute d'une certaine manière une nouvelle forme d'abstraction par l'utilisation des encres et des choses comme ça qu'elle ajoute sur sa pellicule. Donc certains films que Marcel peut faire, on n'arrive pas nécessairement à identifier la technique entre guillemets utilisée. Est-ce que c'est que à la prise de vue qu'elle a obtenu ces effets-là, cette matière-là dans l'image, à partir de motifs existants, ou si c'est par ajout éventuellement d'une encre, de quel type, comment, etc. Donc tout ça baigne l'ensemble de ces films dans une abstraction très forte, un rapport au réel qui est assez étonnant, et qui en même temps, dans sa pratique à elle, elle use en permanence essentiellement que de caméra Super 8, que de tournage en Super 8, parce que c'est une maniabilité de la caméra qui est beaucoup plus grande qu'en 16, parce que c'est un coût économique, comme c'est elle qui fait ses films, qui produit, mais c'est même pas de la production, c'est elle qui paye ses pellicules simplement et qui paye le développement. Et c'est elle qui achète ses encres aussi, donc il n'y a pas du tout d'aide autour de ça pour la réalisation des films. C'est en ça aussi que c'est une démarche singulière, individuelle, personnelle, etc., qui même si parfois elle se rapproche de certains types de films réalisés dans le cinéma d'animation, reste assez en marge quand même par aussi cette individualité, cet investissement aussi du cinéaste par rapport à sa création. Il y aura un certain nombre d'ateliers qui vont avoir lieu, ateliers d'initiation, dans le cadre du festival. Je crois que ça rejoint une pratique que vous avez très régulièrement à Braquage. Je sais que Élodie Imbeau nous en avait parlé il y a quelques temps, je ne sais plus très bien, au moins un an je pense, facile, ici dans cette émission. Peut-être qu'on pourrait rappeler ça. Et pourquoi ces ateliers, en quoi c'est intéressant? En fait, l'association Braquage donc, propose plusieurs types d'activités et de la programmation, comme c'est le cas pour les programmes proposés pour le festival, et des ateliers pédagogiques, donc destinés aux enfants mais aussi aux adultes. Et tout ça aussi en liaison assez régulièrement avec une revue de cinéma expérimentale aussi qui s'appelle Exploding. Et si je parle de tout ça, c'est pas pour dire qu'on fait des choses super, mais c'est juste dire que cet ensemble pour nous est très important. Montrer des films, réfléchir sur les films et essayer d'expliquer, ou en tout cas de faire appréhender par les enfants différemment comment on peut faire un film, pour nous c'est une démarche générale qui touche vraiment à l'expérimentation du cinéma. Peut-être que l'axe le plus important dans tout ça, ça reste une certaine idée de la pédagogie du cinéma. Que le cinéma expérimental pour nous c'est aussi un objet de privilégié pour comprendre comment le cinéma est fait. Bien plus qu'on répartit des rôles techniques, il y en a un qui va faire ci, l'autre qui va faire ça, on se met sur un plateau, il y a quatre caméras, les éclairages et machin. Pourquoi pas, c'est aussi une forme de faire du cinéma, mais c'est assez distant, pour nous en tout cas, de ce qu'est réellement le cinéma, cet art-là particulièrement, par rapport à d'autres disciplines artistiques. C'est pas nécessairement le travail d'équipe qui est important dans le cinéma, c'est plutôt pourquoi on utilise ce support, ce médium-là, comment on l'utilise et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et qu'est-ce que ça nous apprend sur et le cinéma et puis aussi notre rapport au monde, etc., etc. Donc les ateliers pour enfants, on essaye vraiment de faire travailler les enfants sur un support qu'ils ne connaissent généralement pas du tout, qui est le support du film directement, de la pellicule. Et c'est beaucoup d'ateliers d'initiation, grattage, dessin sur pellicule, les choses de cet ordre-là. De cette manière-là aussi, ils appréhendent directement à partir des bornes qu'on leur donne, qui font peut-être 1m50, correspondant à 4 secondes de film à peu près, en 16 mm, ils appréhendent une notion de durée, une notion de dessin, de répétition du dessin, de la projection aussi, d'identification d'un motif, qui sont souvent des motifs abstraits réalisés par eux-mêmes, mais réalisés aussi par les enfants à côté. Et ils essayent comme ça de recomposer ensemble, mettant les bandes les unes à la suite des autres, un film collectif. Et il y a aussi ce rapport-là du film collectif, une création ensemble, où c'est pas, il y en a un qui s'occupait de la lumière, l'autre du montage, c'est tout le monde a eu le même outil, la même possibilité de faire quelque chose, et en mettant ensemble ces choses, on voit ce que ça peut donner. Et ce rapport-là, même au cinéma, est assez différent pour les enfants, ils l'appréhendent de manière différente. Si on peut aussi faire un commentaire avec eux, avoir le temps vraiment de réfléchir sur cette création-là, c'est absolument idéal. Et c'est bien aussi pour eux de devoir se positionner par rapport à une œuvre réalisée sur un support qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'imaginent pas, comment sera l'atelier, quel va être réellement le résultat. C'est plus que du dessin, c'est pas du tout du langage, en tout cas du parler, c'est pas de l'écriture, c'est d'autres choses encore. Et tous ces éléments-là font vraiment, peut-être, enfin j'ai l'impression en tout cas, les font apprécier différemment ce qu'ils peuvent voir aussi au cinéma plus tard, la manière dont ils vont penser les films, penser un regard sur les films, etc. Et même aussi leur pratique de dessin individuel, après sur une feuille de papier, tout ça. Merci, voilà, donc bien, ces éléments-là, bien. Pour nous, sont très importants, quoi. Très bien, donc plein de choses à découvrir. Je crois que les amateurs d'animation vont découvrir plein de choses à l'occasion de ce festival. Et merci à Braquage pour ça. Je vais passer la parole à Serge Kornmann. Je crains qu'il soit un petit peu tard. Il ne veut pas prendre la parole. Je ne voudrais pas vous endormir avec une conférence, bien entendu. Mais j'aurais besoin d'un tout petit peu plus de temps. Alors je propose de remettre cela peut-être à une autre séance, assez lâchement. Et nous pouvons continuer peut-être. Notre ami Uno a certainement encore des questions à poser. Et peut-être moi aussi, pour terminer sur Hoche, qui est notre thème principal. Parce que le mien est un petit peu différent. Il traite d'une question qui, en somme, est un petit peu hors de ce débat. Alors je propose ça. Et qu'on ne m'accuse pas, mais je ne pense pas qu'on aura le ridicule de le faire, qu'on m'empêche de parler à chaque séance. Ce n'est pas vrai, c'est moi qui décide, en toute connaissance de cause, qu'il serait peut-être bien de continuer à poser quelques questions. Bah, moi, je poserai une tout de suite. Bah alors, ça, Serge. Je fais. Nous parlions de DVD. Alors, je voulais vous demander, Uno, qu'est-ce que vous pensez de ces bonus qui systématiquement, au lieu de nous montrer comment le film est fait, comme montrer les gens au travail, montrer le dessin, de montrer le corps même de ce qui nous intéresse, nous font des grands laïus sur les chansons, sur les voix, sur la personnalité des vedettes, et ça, c'est notre bonus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mode-là ? Soyons clairs, moi, en plus de ça, j'ai la chance de travailler dans un éditeur DVD, donc je connais bien tout ce qui est DVD. Et le problème d'aujourd'hui, pour faire très bref, ça va être très dur pour moi aussi, mais je vais faire très bref, promis, c'est que les bonus coûtent très cher, horriblement cher, parce que de plus en plus de gens se disent maintenant, oh, le DVD, c'est l'Eldorado, on peut faire plein de choses en DVD. Le problème, c'est que non, c'est pas vrai, on peut pas faire plein de choses. Pour avoir un historien qui vient parler, il faut prendre une caméra, il faut prendre un monteur, il faut prendre quelque chose pour que ça soit un petit peu intelligent ou intéressant, il faut ça. Donc il faut quelque chose de plus pour montrer les dessins, il faut que, il y a des problèmes de droit des fois, il faut que la personne puisse le faire sur plein de films d'animation, on peut pas, il faut que les gens aient toujours vous imaginez, bon, Jean-François Guigny nous montre dans Gwen ce qu'il a servi de papier pour la traversée de l'Atlantique, de papier découpé, mais c'est pas évident, les gens n'ont pas forcément ça, ça fait 40 ans, il le dit lui-même, donc il y a plein de choses, et puis il y a le nerf de la guerre, il y a la vente. Quand je parlais tout à l'heure, on parlait de l'Icon, donc revoir, avec Lanlai et Fischinger, j'ai bien peur que le nombre de cassettes vendues, le Lanlai et Fischinger, soit pas énorme. Alors en VHS, ça allait, ça coûtait pas tant que ça. Il y avait une bêta, hein, grosse cassette, on l'utilise pour faire les petites cassettes VHS. Là, en DVD, c'est complètement différent. Il faut faire des programmes informatiques, il faut faire des menus graphiques, il faut faire ça. Et même si vous faites le minimum, ça coûte très cher. Et c'est pour ça que je parlais d'éditeur indépendant, c'est qu'un éditeur indépendant, il faut imaginer qu'il va vendre ce DVD en 1000, 2000, 5000 exemplaires pour lui, c'est énorme. Là où les Indestructibles en ont vendu 5 millions le premier week-end aux États-Unis. Eux, c'est moins cher même que nous de faire un DVD. Donc voilà, donc les bonus, déjà, ne parlons pas des bonus, déjà si on a la chance comme ça d'avoir, si on peut avoir des programmes sur Lanlai, sur Michael Snow comme il y en a, sur des gens d'animation comme la Guioni, c'est déjà bien, laissons tomber les bonus, on sera ravis d'avoir au moins les films. C'est indiscutable, oui, là vous m'avez bien bouché. C'était pas mon intention, c'était pas mon intention, soyons clairs. Je ne non plus d'ailleurs, de vous accuser de choses qui sont fallacieuses. Avant que l'émission se termine, j'ai donné une ou deux petites informations pratiques. D'abord, je rappelle aux gens qui voudraient aller au festival d'Auch, ils peuvent encore. Donc ils peuvent. Que c'est loin, mais que ça vaut le coup. C'est loin, mais que ça vaut le coup. Ils peuvent aller trouver des tas d'informations sur le site de l'AFCA, donc www.afca.asso.fr. Alors vous retrouvez dans une cuisine, il faut rentrer dans le frigo. Hein. Le festival, c'est le frigo. Vous avez aussi un numéro de téléphone sur place. Qui déjà fonctionne, donc 05 62 61 04 99, 05 62 61 04 99. On peut encore s'inscrire pour le stage d'initiation ou... Il reste encore une ou deux places. Il reste encore une ou deux places, parce qu'on n'en a pas parlé, enfin on l'a vaguement évoqué tout à l'heure en tout début d'émission, mais il y a un stage d'initiation au cinéma d'animation qui se fait dans un endroit absolument charmant qui s'appelle le Brumombert, qui est pas très loin d'Auch, et c'est un endroit très joli, très sympathique. Et ça se passe les jours avant le voilà, festival. Juste avant le festival. Après ça, on peut rester pour assister aux séances, aux rencontres, etc. Boire un verre dehors, se promener dans la ville, profiter un petit peu. Voilà, c'est important. Sébastien, un petit truc, c'est vraiment remercier l'AFCA pour la proposition qu'ils ont faite auprès de Braquage, et en particulier par rapport à une exposition donc, qu'on propose aussi là-bas, qui présente des œuvres de cinéastes expérimentaux, ce qui n'est pas toujours évident, d'une part une exposition de cinéma en général, et d'autre part autour du cinéma expérimental, alors qu'effectivement c'est un cinéma aussi de plasticien et qui mérite aussi d'être vu éventuellement au cadre d'exposition. Pour moi c'est quelque chose de très, très réjouissant d'imaginer la vision des films d'à côté, et... certains éléments qui ont permis la réalisation de ces films ou des détournements plasticiens faits par les cinéastes eux-mêmes dans le cadre de l'exposition. C'est très dans la logique des gens qui s'intéressent à l'animation, c'est vrai. Puis-je ajouter encore quelque chose? Le grand Walt Disney dont vous pouvez voir Bambi maintenant sur votre machine grâce au DVD, et vous découvrirez tout de même des paysages et des atmosphères qui font penser à Nordstein, le Nordstein du hérisson. Hein. Il ne faut pas sous-estimer cette affaire, elle est très sérieuse, et vous verrez au cours du 21e siècle, un rétablissement de cette partie artistique des films. Eh bien, Disney, à partir du moment, disait-il, où je ne peux plus expérimenter, comme dans Fantasia, qui est aussi du cinéma expérimental, parce qu'il y a des choses, et je ne parle pas du film abstrait de Bach, je parle de tout le reste, tout ce qui a été trouvé. Il y a du moment que je ne peux plus faire des expériences, changer, parce que je ne veux pas faire la même chose des suites, eh bien, je ne me sens plus le même homme. Il n'avait plus d'argent pour faire ces expériences. Vous pouvez faire des expériences avec très très peu d'argent, mais pour un film de long métrage, le travail de tous ces expérimentateurs peut être extrêmement important pour faire avancer la technique des films et l'expression. Et ça, c'est pour ça que c'est très important de soutenir cette affaire. Voilà. Justement, sur Fantasia, il y a effectivement un cinéaste expérimental qui a participé à la création de Fantasia et qui a été remercié assez rapidement par les studios Disney, une fois qu'il avait apporté les techniques et les idées un peu fondamentales du film de Disney. Donc, bon, l'émission est terminée. La prochaine émission aura lieu le 23 avril. On reparlera du Festival d'Auch. Je ne serai pas là, donc c'est Alexis qui animera l'émission. Et voilà. À très bientôt. Au revoir. Ah, c'est pas toi.